faim, la vie trop courte pour être opprimé. Mais quoi, pas un moyen, il est le faim, la vie trop courte pour être opprimé.